Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, l'émission numéro 3 de la saison 4 de Kulten Geek. Ça démarre tout de suite et laissez-moi vous présenter l'équipe. Cette semaine, celle qui sacrifie une soirée à la fête foraine pour venir enregistrer l'émission, un manège vaut mieux que Kulten Geek, elle a répondu merde. Salut Renata. Coucou Rémi. À ses côtés, c'est un homme, il avait un train à prendre et désormais il va sacrifier du temps de sommeil pour se rendre dans l'autre partie du sud, c'est bien sûr G-Wall. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et puis bien sûr, la dernière membre de cette émission, une autre femme, la seule ayant regardé Bambi en 2019, voici Maïlys. Bonsoir Maïlys. Est-ce que je commence ce que tu fais moi? Non, pas du tout, mais moi j'ai le droit. Bonne nuit. C'est ça, merci. Allez, il n'est pas là puisque c'est Yacine, c'est dommage, on aurait pu lui souhaiter son anniversaire en direct, mais à la place de ça, eh bien, il travaille. On lui souhaite un bon courage. Top départ de l'heure, donc, au programme, le What the Fuck de Maïlys, bien sûr, l'instant nippon de Renata, le top ou flop, le qu'est-ce que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, la polémique, ou plutôt les polémiques dans l'équipe, Z-Event, les remakes et Mario Kart Tour, on va en parler dans le sujet débat de la semaine. Et il y a bien sûr le vrai ou faux. Et tout de suite, on commence l'heure comme d'habitude avec l'info des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 3 de la saison 4 de Kulten Geek. Ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, sur Twitter, la sortie de la dernière partie de la campagne de guerre de World of Warcraft Battle for Azeroth a beaucoup fait parler, notamment la fin de la cinématique dévoilée où Sylvanas se propose des donuts. Et oui, ici on spoil pas, donc j'ai dû inventer une fin. Sur Facebook, la mort de Jacques Chirac a tourné en boucle, tout comme celle de Jeanne d'Arc qui à Rouen a brûlé encore une fois. Cette fois, elle a utilisé du combustible moderne, comme quoi il n'y a pas que Jésus qui ressuscite. Sur Instagram, deux images tournent en boucle, le Z-Event et la sa réussite et la sortie de The Last of Us partie 2, mais j'en dis pas plus puisque je risque de piquer quelques coups de cœur dans cette émission. Enfin, retour sur Twitter où ce vendredi en top tweet, vous pourriez retrouver le mot Roger. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. L'info sociale, ça s'arrête ici, on termine avec cette citation. Tout vient à point à qui sait bien cuire. Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas ? Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Le vrai ou faux, c'est la première émission de l'émission. Et on a un petit coucou de Bad Geek, un petit coucou à l'équipe de Kulten Geek, ce podcast si volontaire et sympa. Bon live à vous. Merci beaucoup, Bad Geek. Merci. Qui est l'un de nos diffuseurs en plus. Oui. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot. Exactement. Et on commence tout de suite donc avec le premier jeu, le vrai ou faux. J'ai des affirmations. Vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Jusque-là, wow. Tout va bien. Et voici donc la première affirmation. Vrai ou faux, le premier film érotique a été diffusé un an après le film des Frères Lumière. Vrai ou faux? Je rappelle que le premier film des Frères Lumière était entré en gare à La Ciotat. Un train entre en gare à La Ciotat. C'était dur à dire. Oui. Oui, bah, faut replacer les mots dans le bon ordre. Moi, je vais dire vrai, voilà. Parce que malheureusement, écoute, ça a l'air déjà d'être à l'époque, ouais. Ils pensaient beaucoup à ça quand même, donc bon, je me dis que c'est possible. Plus à l'époque que maintenant. Je suis pas sûre, tu vois, mais à l'époque, je pense qu'ils le montraient juste moi. Renata dit vrai. Maïlys, qu'est-ce que tu dis? Vrai, parce que c'est quand même une base sur quoi tout revient, on va dire. C'était d'accord. Pas français, hein. Non. Mais c'est bien. Oui, oui, ben. L'image, je vois ça. On comprend où tu en veux. Je suis pas tout c'est seul. C'est quoi que je dis. C'est quoi que je dis, c'est ça. G-Wolf. Je pense que je vais dire faux. Tu dis faux. Eh bien, c'est totalement vrai. C'était en 1896, les enfants, il met en scène une femme en robe de mariée qui se déshabille. Cette année-là, j'arrivais. Non, 1896, ah c'est bah non, 100 ans avant ta naissance. Tu es un peu vieille là, oui, du coup. Alors, non, mais c'était mon secret. Effectivement, sinon tu es. C'est toi qui l'as révélé tout seul. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis pas forte. Allez, on continue. Vrai ou faux, le premier vendeur de pneus au monde n'est autre que Lego. De vrai. Pneus voiture. De pneus normal voiture, oui. Genre tu roules avec. De pneus voiture. Bah, c'est Michelin. Vrai ou faux? Moi, je vais dire j'aime vrai. Bien ce petit moment parce qu'on entend bien la musique qui est derrière. Moi je vais dire vrai parce que j'ai l'impression que c'est une marque justement à laquelle on s'attendrait pas, tu vois. Après je sais pas si c'est Lego ou pas. Par tu vas me dire que c'est une filiale. Du coup je dis vrai. D'accord. Bah, je dis faux moi. Tu dis faux. Ouais. Eh bien c'est vrai en fait. Ils ont plus de pneus que Michelin ou Goodyear, ah, mais seulement c'est pas une filiale. En modèle réduit. Voilà, c'était le petit piège. Je t'ai dit, tu roules avec. Je me dis, bah oui. Bah oui, je suis désolé, les Lego roulent avec. Vrai ou faux, seulement 4 personnes dans le monde ont pu finir la première version du célèbre Pac-Man. Faux. Moi, je vais dire faux. Faux aussi pour Renata. Je pense qu'il ne va pas l'avoir que 4, je vais en avoir 5. Je savais pas qu'il y avait une fin, je croyais que c'était aléatoire jusqu'à l'infini en fait. Moi, je me dis que c'est possible. Il y a un nombre hallucinant de niveaux, c'est tout ce que je peux vous dire. Faux, il y en a 5. Ouais, t'as le même argument que moi, toi. Alors, vous avez raison, c'est faux, mais pas pour la raison que vous avez expliquée. Ah ouais ? C'est seulement que dans la première version de Pac-Man, au niveau 256, qui était le dernier, le jeu buguait et la partie droite de l'écran était couverte de caractères, et la seule façon de quitter le niveau pour le recommencer, c'était de reset. Donc voilà, personne n'a pu finir la première version de Pac-Man. Oh, mais c'est trop mal fait. C'était il y a longtemps. Très longtemps, effectivement. Ouais. Vrai ou faux, en dehors des clips musicaux, la vidéo la plus regardée de YouTube est une vidéo de PewDiePie. Je vais dire faux. Faux pour Renata ? Ouais. PewDiePie, si tu ne remets pas Miley, c'est le premier YouTuber mondial. Moi, j'avais l'impression que tu avais fait un truc de vrai ou faux, comme quoi c'était le truc d'Arte le plus regardé. Non, j'ai dit pour la télévision. Ah, d'accord. C'était pour la télévision le programme le plus regardé. Moi je dis faux. Faux aussi ? Oui. Très bien. Moi je dis faux, je pense que c'est... Je crois qu'il y a des vidéos de jouets pour enfants qui a beaucoup de succès sur YouTube et ça doit être ça. Très bien. Il y a des pépites cachées. Effectivement, c'est faux. Il s'agit d'un épisode de dessin animé russe qui s'appelle Masha et l'ours. Oui, je connais. Voilà. En dehors des clips musicaux, c'est la vidéo la plus regardée sur YouTube. C'est fou. On a le nombre ? Non, je sais pas le nombre. Oh, t'es à peu près ? Non, même pas à peu près. Vrai ou faux, des réseaux sociaux ? On répond d'abord à celui de la semaine dernière. On avait posé les questions sur les réseaux sociaux. G-Wolf, est-ce que tu as Twitter actuellement devant toi sur ton téléphone ? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Est-ce que tu peux le mettre pendant ce temps ? Je regarde sur Facebook, puisque le sondage est tombé. Tu ne l'as pas préparé ? Non, j'avais préparé, mais j'y ai pas pensé là, à le mettre. Donc du coup, on regarde tout de suite la réponse au sondage. La question, je vous le rappelle, la semaine dernière, il existe le job de coordinateur d'intimité qui fait en sorte que toutes les scènes de sexe dans les films se déroulent sans souci. Qui a répondu faux ? Qui a répondu vrai la semaine dernière ? Moi j'avais dit vrai. Moi j'étais pas là. J'avais dit vrai aussi, mais en ayant un doute sur le nom du poste. C'est vrai. Alors, est-ce que tu dis vrai toujours ou est-ce que tu dis faux ? Je dis vrai parce que ça fait plus classe. Tu dis vrai, d'accord. Et Renata, du coup, que réponds-tu ? Moi, j'avais voté vrai sur les réseaux. Tu as voté vrai. Ouais, parce que j'étais pas là quand vous avez fait ça. C'est vrai. Alors, sur Facebook, le sondage, à 71%, vous avez voté vrai et 29% faux. Qu'en est-il du sondage Twitter, mon cher Twitter, Twitter vrai à 77%, faux à 23%. On est sur quelque chose d'assez équivalent, effectivement. D'assez homogène, ouais. C'est totalement vrai. Voilà, sachez-le. Ouais, ouais. Il existe effectivement ce job qui consiste à faire en sorte que toutes les scènes de sexe d'intimité se déroulent bien. Bah, d'après ce que j'ai entendu, ils font pas tous un très bon travail. Quoi ? Bah ça, on va pourquoi tu l'as ça, entendu on va pas critiquer. Bah, parce que, enfin, je suis désolée, tout le monde ne parle que de ce genre de choses, tu vois, et on m'avait dit qu'il y avait des trucs assez dégueulasses. À partir du moment où on a parlé de choses en dessous de la ceinture, on a gagné 3 viewers. Vrai ou faux, des réseaux sociaux pour cette semaine, un vieil ordinateur infecté de 6 virus les plus dangereux a été reconnecté à Internet pour voir ce qu'il se passait. Vrai ou faux ? Ouais, allez. Allez, vrai. Genre, ce serait marrant. Vrai aussi. Vrai pour tous les trois, très bien. Et la réponse arrivera la semaine prochaine dans Cult & Geek. En attendant, vous pourrez voter. J'avais vu une news sur Internet Explorer, j'avais trop pensé à Yacine qui s'en sert encore. Genre. Ah oui, Internet Explorer. Le truc, il n'y a plus de mise à jour depuis 2015, je crois, un truc comme ça. C'est parce qu'il a un nouveau nom, en fait. Nous, on salue bien sûr le compte Twitter d'Internet Explorer qui est magnifique, vraiment magnifique. Absolument. Allez, en attendant d'avoir la réponse et pendant que vous votez sur les réseaux sociaux, la polémique de l'équipe, non, c'est t'as tout pas de suite. Souligné que j'avais raison et que j'avais eu tout juste. Et moi aussi, j'ai eu tout juste. Ils disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle ! D'autres que Stargate dépasse Star Wars. Non ! On va les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. La polémique de l'équipe, c'est le sujet débat de la semaine dans Cult & Geek. Et on a décidé pour cette rentrée, eh bien, au lieu de faire un seul sujet et on s'étale pendant 10 minutes, on va en faire plusieurs tout petits. Voilà, c'est la nouveauté de cette saison 4. Tout petit. tout petit, oui. Tout dépend du sujet, effectivement. Alors aujourd'hui, on va parler de Mario Kart Tour sur mobile, top ou futur flop. On va parler également du succès du Z-Event avec plus de 3 millions d'euros récoltés. Et enfin, fin 2019 et 2020, le temps des remakes, point d'interrogation. Alors, je te propose de commencer par les deux petits et de finir par le gros, parce que sinon on va s'éterniser. Ah, tu vois qu'il y a un gros. Alors, lequel est le gros pour toi? Bah, le Z-Event, enfin, je suis désolée, genre. Oui, moi j'aurais dit petit parce que effectivement, bon, on va commencer par le Z-Event. Je préfère commencer par le Z-Event parce que ça a tourné énormément sur tous les médias, ouais. Que ce soit télé, radio, presse, écrite, etc. Donc, mm-hmm. Sur internet, je pense qu'il y a un gros débrief qui s'est fait. Est-ce que déjà vous avez suivi le Z-Event? 3,5 millions gagnés pour ouais. Pasteur. Oui, l'Institut Pasteur, effectivement. Voilà. Bien avec 56, je crois. 55 streamers. 56 parce qu'il disait qu'il y avait un gars en plus qui est arrivé. Un truc comme ça. Pour moi, c'était 54. Moi, j'ai vu 55. Sur le site. D'après la dernière infographie, c'est 54. Ah, ça suffit là. Je dis 56, tu me dis 55, 54. Bah écoute, apparemment, personne n'est fixé. Hein. Est-ce que cette émission est bien préparée? Bah écoute, je suis en train de regarder directement sur le site. C'est internet, hein, je sais pas. Vraiment. Tu vas voir sur le Twitter du Z-Event, et tu verras que c'est. Non, je suis sur le site officiel de Z-Event. Oui, Z-Event. Si, d'accord, si tu veux. Bon, si change tu veux. Chose. La dernière infographie, en tout cas, c'est 54 streamers. D-Wolf, toi, tu as suivi, non? Pas du tout, bon, un petit peu le premier jour, je dois avouer, mais sinon ça tombait pile au moment où je n'étais pas disponible, donc je pouvais pas regarder. Mais j'ai quand même, on va dire, j'ai pas suivi activement, mais j'ai regardé un peu de loin, mm-hmm. puisque c'était quand même, comment dire, ils avaient fait 1 million en 2018, oui. Donc on s'était ouais. dit qu'ils allaient faire quand même sûrement plus, puisqu'ils font toujours un peu plus, surtout que là il y avait ouais. des grosses têtes, du style Squeezie, le joueur du grenier. Antoine Daniel, ouais, Antoine évidemment. Daniel, faut pas oublier, ouais. Et du coup, bah, ça a attiré beaucoup de monde, parce qu'ils ont, ils sont quand même une commu assez grosse. Et, déjà, de base, Squeezie, c'était sûr qu'il allait ramener du monde. Et du coup, tout ça a fait que bah, ils sont montés à 3,5 millions. C'est ouais. pas mal. D'ailleurs, c'est devenu l'événement caritatif sur Twitch qui a recueilli le plus d'argent au monde. C'est ça, le record mondial. Ouais. Exactement. Ouais, même les États-Unis l'ont pas fait. Ouais. Et ouais. Et d'année en année, ils ont de plus en plus de résultats, je sais plus comment on appelle ça, ouais, d'argent. Quoi. Ouais. Dedans, d'ailleurs, les quatre plus grands donneurs, on va dire, ça a été Riot Games qui ont donné 20 000, Brut 10 000, Webedia 25 000 et Ninja 26 000. Et Ninja 26 000, ouais. Effectivement, Mister MV lui-même, quand le don est arrivé, il est retourné sur son stream et il a dit désolé Twitch. Comme quoi, tu vois, on en parlait la semaine dernière de Ninja et au final, c'est le plus gros donateur pour le Z-Event sur c'est Twitch. Ça. Donc c'est quand même assez marrant. Donc voilà, je pense qu'on va pas s'étaler plus que ça non plus sur le Z-Event parce que c'était un sujet, forcément, c'était important d'en parler. Mm. C'est un gros truc qui s'est passé. Moi je veux souligner résonné. Qu'il devrait y avoir plus de femmes. Ce serait sympa. Il y en avait quelques-unes déjà, oui, mais effectivement, il faut un peu plus de femmes. Mais le truc, c'est que. Comment dire? Il faut quand même des personnes qui ont des grosses communautés et il y a des femmes qui stream, je n'en doute pas. Enfin, non, mais il y en a. Non, mais du coup, je dis que c'est dommage, c'est tout. Suffisamment, tu vois. Je suis pas en train. Justement, s'ils veulent que l'événement soit, on va dire, populaire, il faut mettre les plus gros streamers. Mais effectivement, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup des femmes. Voilà. T'as déjà vu des polémiques dans les polémiques? Vas-y. La voilà. Oui, c'est déjà. C'est une polémique exception. On va pas en parler. Voilà. On va pas en parler. Exactement. On va pas en parler. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour les Z-Event. Bien sûr, 55. On les félicite. Merci Maïlis. On les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. C'était impressionnant et ça a bien tourné. Bravo. Sur tous les médias traditionnels. Et rien que pour ça, chapeau les gars. On passe à Mario Kart. Allez. Que j'ai essayé. Mario Kart Tour, effectivement. Maïlis, t'es retour. Dis-nous oui. tout. Pour une fois, je me suis dit, je vais télécharger puisque j'ai la flemme de me renseigner. Et je suis tellement déçue. Déçue à ce point-là? Bah oui, déjà. Les contrôles sont pourris. Pour y jouer, tu dois avoir un compte Nintendo, c'est obligatoire. Et pour l'instant, tu joues contre des bots. Ouais. Ouais, pas de multijoueur pour l'instant. Ça, c'est le truc en fait, sur lequel tout insiste, on va dire, tous les sites, etc., toutes les reviews que j'ai pu regarder, c'est que pour l'instant, on est contre des bots, donc c'est super facile d'être bien ranké, on va dire. Et après, il y aura un mode multijoueur. À ce qui paraît, il y a aussi les dérapages qui sont atroces. Ouais, vachement chiant à maîtriser. Gars, tu appuies sur le côté gauche de l'écran, tu glisses vers la droite pour tourner à droite. lui il dit non, tu vas à gauche. Ouais, donc c'est un jeu un peu c'est, bugué. C'est une bêta, du coup, ça. Et non. Non, ah, le, c'est le vrai jeu qui a été lancé, ouais. Okay, d'accord. Après, enfin voilà. Tu gagnes donc, des points. Nintendo dit que le mode multijoueur arrivera plus tard, donc c'est tout ce qu'ils disent, genre plus tard. Mm-hmm. Et bon, apparemment, ce sera, enfin, les équipes ou les affrontements, on va dire, ce sera en fonction de ton classement. D'accord. Pour que tu te retrouves pas avec des gens trop forts pour toi, entre guillemets. Ouais, alors ce serait bien déjà de sortir un jeu qui est prêt. Déjà. Bah, franchement, il est pas mal abouti par rapport à d'autres. Hein. Ouais, mais par exemple, Pokémon Go, quand il est sorti. Non, c'est nul. Il y avait moins de bugs, il y avait moins de problèmes. Voilà, les jeux Nintendo sur mobile, Pokémon Go, ils ont réussi. Bon, c'est Niantic qui le développe, c'est pas Nintendo directement. Mais. Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence ? Ah, peut-être, peut-être. Parce que Nintendo, du coup, ils sont plus habitués console de salon, console portable. Mais au final, si tu regardes console portable et téléphone, ça peut se rapprocher. Non. Ah si, c'est le même principe. Non, je défends les consoles. C'est terminé. Oh, va te faire voir. Là, je suis d'accord. Dites-nous dans le chat actuellement sur Twitch, console portable, smartphone, est-ce que c'est à peu près la même chose pour vous quand on alors, joue un jeu ? On dit pas que c'est la même chose, mais bon, enfin... Non, mais c'est... Ça commence à devenir de mieux en mieux, les jeux mobiles. Est-ce que oui, tu joues sur tablette ? Bah non, j'en ai pas de tablette. Est-ce que tu as déjà essayé ? Oui. Mais c'est chiant. Non. Tu t'ennuies avec ton... Bah, je sais pas. Bah, ça dépend. C'est pas marrant. Tu me mets un Pokémon, je joue, y a pas de souci. Les Pokémon Go, ça a été une mode. Ça a marché pendant X mois, et puis terminé. Y a encore beaucoup de joueurs. Hein, ouais. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de joueurs. Ça, c'est vrai. Il y a plein de joueurs qui sont retournés dessus. Ouais. Ils se font discrets. Dites-nous, d'ailleurs, sur le chat, si vous jouez à Pokémon Go. Ça nous intéresse de c'est savoir. C'est pas une honte. Non, mais pas du tout. Non, mais je précise, genre, je sais pas s'il y en a qui verront ça comme ça. Voilà, je sens que j'ai quelqu'un à droite. Est-ce qu'ils se promènent encore avec leur batterie portable ? Ah, Azertov qui vient de dire c'est revenu, je viens de m'y mettre sur Pokémon Go. Ah bah voilà, enfin comme quoi il y a encore des gens. Mais effectivement. Ouais. Et Azertov qu'on salue. Et Adbreak qui est avec nous aussi sur le chat. Donc Mario Kart ou Pokémon Go, j'allais dire. Mario Kart Tour pour vous, top ou futur flop ? À voir si ça s'améliore. Il faut qu'ils s'investissent un peu, hein, sinon futur gros flop. Hein. Et merci pour le follow Adbreak. Et pour toi, Jiwolf ? Merci. Eh bien écoute, je pense que tant qu'il n'améliorera pas du coup les contrôles, ça va être un peu naze, mais bon, ouais. Je pense que si, avec l'argent qu'ils ont derrière, ils sont capables de faire quelque chose qui fonctionne bien. Justement, genre, c'est Nintendo, quoi. Avec le d'autant plus qu'ils ont prévu un truc sympa. Hein. Ah ouais ? Mais quand je l'ai installé, franchement, ça avait l'air sympa. Les contrôles auraient été meilleurs. Peut-être, ouais. Okay. Surtout que de base, c'est un jeu marrant, quoi, Mario Kart. Genre, nous-mêmes, oui, on y a joué après une réunion. Ça, c'est le seul jeu de groupe. Ça nous a fait bien rire, tu vois. Oui, c'est ça, on a fait une petite réunion et on s'est poutré la gueule à coup de carapace. Effectivement, ça, ouais. Sur Mario Kart. Mais voilà, il y a quand même une différence. Mario Kart sur DS, Mario Kart sur console de salon et Mario Kart sur mobile. Et pourtant, c'est un jeu qui, typiquement, peut être partout. C'est ça. Alors, qui loupe un petit peu l'adaptation comme ça, c'est presque décevant de la part de Nintendo, surtout de leur part. Faudrait qu'ils fassent une connexion un peu avec le téléphone à côté. Et on salue Azertov qui nous quitte, qui a une émission lui aussi enregistrée. Bonne émission, Azertov. Bonne émission. Bon courage. Lui aussi fait partie de l'association Bad Geek Pod Shows. Voilà, donc on salue également. On continue avec le dernier sujet. Pour moi, je dis juste, Mario Kart, c'est... Ça peut être un top, comme ça peut être un flop, mais ça dépend de ce qu'ils vont faire là dans le mois qui arrive. C'est ça, t'as pas d'avis non plus. Dans le mois qui arrive, ils font rien, c'est un flop direct. C'est ça. Mais sinon... Parce que ça vient de sortir, on commence à en parler, s'ils attendent plus d'un mois, c'est ça, ça va plonger. Ouais. Et on va passer au dernier sujet de cette polémique, de fin 2019 et 2020, le temps des remakes. Alors, je vous avoue que... qui a regardé l'E3 cet été d'ailleurs ? Pas moi. Vite fait pour Nintendo. Rapidement. Oui. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a beaucoup de remakes ou alors de vieux jeux qu'on reprend et hop, on sort la suite en mode ouais, cette licence, elle était demandée, elle pèse, en gros. Et moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on prend. Ils se donnent même plus la peine, j'ai l'impression que les éditeurs et développeurs se prennent même plus la tête à inventer de nouvelles. Oui, ça va, je galère. Se prennent même plus la tête à inventer de nouvelles licences. Ils nous prennent une licence qui a bien marché et ils la ressortent en version moderne. Est-ce que c'est pas un peu pour faire patienter. Enfin, je dis ça en gros, genre en général, pas pour des licences en particulier, mais pour faire patienter un peu, genre les joueurs par exemple. La thune. Ou pour animer. Non, c'est pour j'ai... la thune. Ouais, je pense que c'est plus pour la thune. Parce que honnêtement, tu vois, je préférerais attendre 2 ans d'avoir une nouvelle licence, un bon jeu, un jeu terminé et bien, plutôt avoir un remake pendant 1 an, pendant 3 ans, avoir que des remakes et ensuite un nouveau jeu. Franchement, moi, juste les Final Fantasy, les jeux Star Wars, ils sont bien, certes, c'était de la nostalgie, ça a marqué l'histoire. Est-ce qu'on est obligé de les ressortir maintenant ? Après, je t'avoue, j'ai pas vraiment fait attention à ce qui allait ressortir. Enfin, FF7, je crois que c'est ça qui ressort en remake. Bon, bah. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un jeu qui a si bien marché que ça que. Ah oui, ça a marqué une génération presque. FF7 ? Ah oui. Bah, moi, je t'avoue, moi, ma génération à moi, tu vois, dans ma tête, elle commence à FF9 ou 10, tu vois. Donc. Il y a Adrien qui nous dit patienter pour de bons jeux, ok, mais là, il y a que Cyberpunk qui a l'air intéressant dans le futur, hors remake. Après, il y a les indés. Il y a les indés, effectivement, et heureusement qu'ils sont là. D'ailleurs, en parlant de remake, j'ai fait un petit post aujourd'hui sur Instagram, donc pour en parler. Bah, donc, dis donc, voilà. Tu fais de la publicité, toi. un peu. Donc voilà, sur la page Insta de Cut & Geek, j'en ai parlé. C'est Dragon Quest. Donc ils sortent 4 remakes aujourd'hui. Quand même. Mais c'est pour ça. Donc, Dragon Quest 1, 2, 3 et le 11 version S. En même temps, ouais, aujourd'hui. Ils sont pas dit on les étale. Non. Ils ont dit on blinde le marché. Mais voilà, mais par contre, dans les rayons, forcément, bas Dragon prix. Quest. Arrête. Bas prix pour les trois premiers. Donc, genre 4€, 6€ et 12€, je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas d'utilité alors. Bah, c'est pour que tu puisses les refaire, mais avec des graphismes corrects, genre, et sur. C'est sur Nintendo eShop, je crois, donc tu peux les acheter comme ça et tu les as sur ta plateforme, donc je pense Switch ou autre d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais il y a Resident Evil aussi qui est sorti en remake. Non, mais ça sort tout le temps. Oui, mais c'est ça. C'est voilà. Sans arrêt. Ça, c'est même plus une nouveauté, genre. Il y a tout le temps des remakes. Bientôt, on aura le droit au remake des remakes, et ça, c'est très bien illustré dans la vidéo de Cyprien Les Réunions 4. Avec une partie justement où ils expliquent qu'ils vont faire des remakes en chanson. Avec le Roi Lion et tout. Avec là. Le Roi Lion et du côté de PlayStation, Spyro le Dragon, Crash Bandicoot, etc. Ouais, on s'emmerde même plus, on sort des remakes et ça marche. Donc effectivement, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez en débattre dans le chat actuellement. On lit tout et on y répond juste après la pause en musique, puisqu'on va faire une première pause avec Dominique Strike avec le titre Urbite. Et on revient juste après avec le coup de cœur du web, l'actu web de D-Wolf, le Qu'est-ce que c'est, bien sûr, le fameux jeu où il faut raconter une histoire n'importe comment. En attendant, voici Dominic Strike avec le titre Herbite. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Super fast. Dominique Strike, Earthbite dans Cult & Geek et on revient tout de suite avec les coups de cœur du web. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Et qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur Internet ? On va regarder tout ça directement avec Renata. Ah, c'est moi qui commence ? Eh oui, tu commences par le bal. Par le plus gros ? Par le plus gros, mais plus comment, gros, comment tu parles de que toi ? Tu fais beaucoup ? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai prévu un gros truc. Donc je fais passer le téléphone, parce que j'ai déjà montré à D-Wolf à quoi ça ressemblait un peu. Ah, est-ce donc, que tu peux me montrer devant la caméra ? Mais j'ai envoyé des images ! Ah oui, c'est vrai, tu as envoyé des images. Oui, mais il est nul, il est nul ! Ça, c'est juste pour toi ! J'ai les images. Il a déjà regardé D-Wolf. Donc voilà, c'est un jeu mobile, parce que voilà, il y a quand même des trucs bien. Donc ça s'appelle Dawn of the Isle, donc c'est genre l'aube des îles entre guillemets, un truc comme ça en français. Par contre je précise, il n'y a qu'une version anglaise pour l'instant. Donc voilà, donc c'est le même créateur que Cyber Hunter que j'avais présenté dans une autre émission. Et en gros c'est un jeu graphisme super, vraiment genre super agréable, coloré, et les textures elles sont ultra bien faites à partir du moment où on a un téléphone, genre un smartphone. Et voilà. Pendant que tu en parles justement, on a quelques images qui passent. On a les images, donc moi je vois pas, Twitch, mais voilà, il y a des images. C'est sûr que c'est mieux que le Nokia 3310. Je précise, c'est les captures que j'ai prises pendant que je jouais au jeu, donc c'est exactement ce à quoi vous avez droit, on va dire. Donc voilà, personnalisation complète du visage des personnages. Vous pouvez choisir entre deux filles, deux garçons, avec des classes différentes, des armes différentes, système de niveau, de farming, de craft aussi, et d'évolution avec de l'XP et tout ça, gagner en combat, etc. Et Oz le Flo qui vient d'arriver sur le chat et qui nous dit « Salut les loulous !» Salut. Salut à toi Oz le Flo. Oh la loulou. Voilà. Bonjour. Donc voilà, après tout le système de niveau, de skill, tout ça, franchement c'est un jeu super complet. Et voilà, donc le seul défaut c'est que bon, je suis pas sûre que la version française arrive bientôt. Et voilà, après il y a une carte très complète. Je suis bilingue moi. Ouais, bah et alors ? C'est pas ça, c'est juste que pour ceux qui osent, franchement vous pouvez grave y jouer sans comprendre forcément tout. Et sinon, voilà, pour ceux qui n'aiment vraiment pas tout ce qui n'est pas français, je suis désolée, c'est vrai que pour l'instant ce sera pas possible. Mais voilà, donc l'histoire super, super bien construite, facile à suivre. Et on n'est pas. Comment dire, débordé par le jeu, donc en mode il y a trop de choses nouvelles qui arrivent, tu vois, et en même temps c'est quand même complet, donc voilà, c'est super plaisant, je conseille. D'accord, très voilà. Bien. Eh bien, c'est merci beaucoup Renata, c'est pas lourd, ça c'est important. c'est vrai que niveau graphisme, ça fait un petit peu penser à Zelda, Breath of the Wild, simplement, ou alors le futur jeu d'Ubisoft. C'est plaisant, hein, quand même. C'est plus clair que Zelda. Et là, je suis pas en ultra, on va dire. Tu vois, je suis en HD normal, quoi. Un HD normal. Tu fais pas tourner ultra. T'es en 1080. Non, j'ai pas. Enfin, je trouve pas ça utile, en fait. Mais les textures, elles sont meilleures, ça c'est vrai. D'accord, donc plus on a un téléphone puissant, plus le jeu sera un Zelda-like. Voilà, on va dire ça comme ça. G-Wolf, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur de cette semaine, c'est... Mais pourquoi pas? Depuis tout à l'heure, il me regarde du coin de l'œil, genre, il me fixe comme non, ça. Non, pas du tout. C'est on a la caméra braquée sur toi, G-Wolf. D'accord, super, c'est Vinland Saga. C'est un animé, on va dire, dans l'univers nordique. D'accord. Ah ouais, c'est original ça. Ouais, c'est par le studio qui a fait l'Attaque des Titans. Donc niveau qualité, on est quand même pas mal. C'est assez beau. Et c'est un shonen avec des petits airs de seinen, mais ça commence avec de la vengeance. Vous savez, la vengeance toujours. Classique. Il s'est passé quelque chose dans la vie du petit Thorfinn et. du petit Thorfinn. Du petit Thorfinn, c'est le nom du personnage. Pourquoi tu as ce genre de petit rire là? On dirait que tu nous caches un truc ou genre qu'il y a un petit côté. Ah non, c'est juste pour pas trop en dévoiler, tu vois, pour donner un peu. D'accord. Un non, mais j'ai cru que, tu vois, il y avait un truc qui arrivait, genre qu'il y avait une chute, entre guillemets. Genre, du coup, il y a des trucs salaces, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, attendez. C'est un petit peu saignant, mais ça va. Oh, ça va. C'est juste ça. C'est bien moins quand même que l'Attaque des Titans. Mais du coup, ça commence par de la vengeance, mais ça avance de plus en plus où on arrive à un stade. L'Attaque des Titans, c'est pas vraiment saignant. Hein. Le truc, c'est plus psychologique. C'est plus un steak pas cuit. Ouais, voilà. Ça va. Hein. Il y a pire. Oui, il y a pire, mais il y a mieux aussi. Donc ça s'appelle comment, G-Wolf? Vinland Saga. Vinland Saga. C'est en cours, ce n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, je crois qu'il y a 11 épisodes. Et c'est à retrouver sur le net ou sur Netflix? C'est à retrouver sur le net. Quelque voilà, part. Écoutez, pas. YouTube le donne avec plaisir, donc je regarde sur YouTube. Hein. Ah ouais? Donc à découvrir directement sur YouTube. Et l'avant-dernier coup de cœur, Maïlys, à ton honneur. Je pensais que tu allais te donner avant, du coup, puisque tu disais le dernier. Non, j'ai dit l'avant-dernier. Je me suis repris, Maïlys. Écoute un petit peu. Non. Allez. Elle existe déjà depuis longtemps sur Internet et dans tous les spectacles. J'ai redécouvert Elodie Pou. J'espère que je ne fais pas de conneries Elodie sur son nom de famille ou autre. Humoriste donc. Oui. Et franchement. Qui a survécu à la maternelle. Je l'aime beaucoup. Et j'ai un deuxième petit coup de cœur quand même. Vas-y. Qui n'était pas du tout geek. C'est juste, j'aime bien les dessins et ce que fait du coup en tant qu'artiste la main gauche. La main gauche, d'accord. Mais je me souviens pas de son studio, donc je suis incapable de le ressortir. Très bien. C'est pas... Oui, d'accord. Donc la main gauche, c'est tatoueuse. Oui. Très bien. Bon, si tu retrouves le... Labo Arcane, très bien. Suffisait que ça revienne. Sur Toulouse. Oui. Il faut le préciser, parce que si les gens habitent à Rouen, par exemple... Attends, elle fait beaucoup de salons à Rouen, dans y a plus toute personne. La France. Non, oui, là, c'est terminé. D'accord. On les laisse chez eux. Oui. Effectivement, bah, ils ont cramé Jeanne d'Arc, ils se prennent un retour de flamme, comme on dit. On pense à eux, bien sûr, c'est pas très drôle cette histoire, mais bon. Voilà. On pense à vous si jamais vous habitez Rouen, on va se faire censurer et attaquer en justice, exactement. Je le sens bien tard, on vient de perdre des viewers. Très bien, merci Maïlys. Donc, la main gauche, tatoueuse à Toulouse. Et Elodie Pou. Et Elodie Pou, humoriste. On continue avec le dernier coup de cœur. Alors, G-Wolf, tu m'arrêtes si jamais ça empiète sur ton actuel. D'accord, dis-moi. Mon coup de cœur, il est tombé vendredi après-midi. Donc, dans l'après-midi où on enregistre cette émission, c'est le retour. Ah, c'est peut-être une partie de ma chronique, ça. C'est une partie de ta chronique. Ouais. Bon, heureusement, j'en ai préparé un autre. Super. Du coup, je ne dis rien. C'est Broomstick League. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Ça me fait penser à un moustique. J'ai envie de sortir un produit, mais... Non, pas du tout. Alors, moi, ça me fait penser... Du coup, attends, au Quidditch, genre, parce que j'ai l'impression que ça avait comme balai, ton truc. Eh ben, t'as bien raison, parce que c'est exactement ça. C'est en réalité le jeu du Quidditch qui n'a pas eu la licence Harry Potter, et donc du coup, il est prévu pour le premier trimestre 2020 sur Les Steam. Les pauvres. Donc dans sa version complète, et ça s'appelle Broomstick League, et c'est un jeu en mode Rocket League, par exemple, mais dans l'univers d'Harry Potter avec Quidditch. Et même s'ils n'ont pas la licence, c'est très, très, très bien adapté, et on voit très bien que c'est dans l'univers des sorciers, les balais, les baguettes, etc. D'accord, voilà. Ah, voilà. Donc en gros, c'est la Ligue des balais, quoi. Exactement. Si tu traduis en français. Voilà, Broomstick League, la Ligue des balais. Sur quelle plateforme? Alors, sur quelle plateforme? Du coup, c'est sur Steam, donc ce sera sur PC. Voilà, si jamais ça t'intéresse, Heartbreak qui posait la question sur quelle plateforme. Et donc, bah, les coups de cœur du web. Avec des balais. Exagéré. On va se battre avec des balais, ça va chier. Tu vas être propre. C'est ça. Donc, du coup, maintenant, vous connaissez tous les coups de cœur de l'équipe pour cette semaine. Si vous en validez certains, n'hésitez pas à le dire. Et puis, tout de suite, on va pas passer à l'actu web de G-Wolf. Non, on va profiter un petit peu. Comme il n'y a pas Yacine, on va mettre le quai que c'est tout de suite. Il était une fois. Un homme qui, en fait, était méchant. Mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle les règles pour vous qui venez de découvrir l'émission. Il faut résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et l'équipe, avec maximum 3 indices, doit réussir à trouver de quoi on parle. Je proteste! Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas eu de nouveaux, de nouvelles devinettes, entre guillemets, genre de nouveaux trucs dans l'opening de du Qu'est-ce que c'est. Tu avais promis que tu en ferais un autre. Alors, ça, c'était une promesse en off. Pour la petite anecdote, je vais te raconter juste la petite anecdote. Si ça se trouve, tous ceux qui nous écoutent actuellement s'en battent les couilles, mais je vais la raconter quand même. En gros, le jingle du Qu'est-ce que c'est, je devais le refaire avec une nouvelle histoire, puisqu'il résume réellement un film qui existe, pour ceux qui ne savent pas. Il y a deux saisons, tu devais le faire. Il y a deux saisons, je devais le faire. Le problème, c'était que pendant l'été, j'avais trouvé une superbe idée. Mm-hmm. Mais j'ai un petit peu tardé avant d'enregistrer cette idée. Et j'ai oublié. Tu as oublié ton idée, d'accord. J'ai oublié mon idée. Ce qui fait que je suis obligé de repartir à zéro et de rechercher une idée et un résumé mal fait. Bah, s'il te plaît, fais-le. Oui, bah, alors tu vas te calmer, déjà. Hein, mais quoi peux... mais c'est un truc super, fais en gaffe, fait. Je peux te couper le micro. Que dans le jingle, il y a un truc qui je soit vraiment caché, micro, genre. Renata, tu te calmes. T'aurais pu faire un truc, genre, sur les Simpsons, non? Oui, c'est l'histoire d'une famille, on sait pas ce qui arrive. Oui, mais là c'est cramé si je le fais. Mais ça peut bah donner une. Arrêtez d'y réfléchir, d'idée. Ça arrivera quand ça arrivera. Et si d'idée. Ça doit arriver en 2021, ça arrivera en 2021. Wow. Place au jeu tout de suite. Le quai que c'est, voici le résumé. Après un gros bug dans la matrice, le héros voit plusieurs versions de lui-même, même une version animale. Il décide alors de sauver sa famille, sa ville et surtout ses études. Et pour cela, ils vont tuer un gros, parce qu'il est intelligent et qu'il veut tuer Spider-Man. Les versions du héros. À la fin, le père et le fils sont heureux et tout le monde s'en passe. Spider-Man Next Generation. Non, attends. T'aurais dû t'arrêter à Spider-Man. Non, si, c'est le dernier qui sortit en animation. Parce qu'il va exiger de dire lequel. Oui, attends, il n'y a pas de souci, je te trouve le nom. C'est Multiverse. Into the Spider-Verse. Non, c'est pas ça. Si. Non, c'est pas ça. Arrête. Non, c'est pas ça. Non, t'as dû te tromper dans un mot. Spider-Man. Regarde sa tête, Spider-Verse. Tu t'es trompé dans non, un mot. Non, c'est pas ça. C'est pas Spider-Man. Into the Multiverse. Non, Into Adbreak, the. Into the Multiverse. Into the Spider-Verse. Alors, le titre du film, je demande bien le titre du film, mm-hmm. C'est pas ça. T'inquiète, je te le trouve, attends. Mais quand on a le droit d'utiliser Internet pour ce jeu? Non, puis tu n'as pas le droit. Maïlys, tu passes au téléphone tout de suite. Ok, ta réponse ne sera pas prise en compte. Tu veux pas réfléchir? Réfléchis un peu, ouais. Parce que je t'avoue, moi, j'ai pas regardé, du coup. Peut-être que dans le chat, ils vont trouver. Donc, ce n'est pas Into the Multiverse, la bonne réponse que j'attends. C'est le titre exact du film. Il est sorti sous un autre nom, surtout en France. D'ailleurs, on ne dit que ce nom lorsqu'on parle de ce film-là. Après qu'il a compris, il a mis DA. J'en vois un, mais j'ai un gros doute. Je crois pas que ce soit celui-là. Une tente? Bah non, parce que c'est pas pris en compte. Oui, vrai, bah ouais, du coup, on pourra pas gagner si tu le dis. J'avais une proposition annulée. C'est fou. Bah, du coup, un indice. Un indice, c'est un film animé. Mais non, mais c'est celui-là. Ça sert à rien. On voulait un indice sur le titre. Allez, une nouvelle proposition peut-être. Une version féminine existe dans ce film. Oui, c'est exactement ce film. Allez, réfléchis. Comment un il s'appelle Spider-Man. Arrête le début, c'est bien. C'est pas mal. Non, franchement, j'ai oublié. Il me faut une proposition. Et s'il là, sort s'il l'année, vous plaît. C'est bon. Non, c'est pas bon. Il me faut une proposition là, s'il vous plaît, tout de suite. Far From Home. Non, c'est pas ça. Allez. Dernière. Bah, ouais, à la française. Je vous donne les indices. C'est Héros de Comics, mais vous avez déjà trouvé. Ouais. Ah, ils ont trouvé sur le chat. Faut le dire. Sur le chat, ils ont trouvé. Tu l'as pas en direct, genre le chat là. Alors. Non, j'ai on pas regarde regardé. Pas. Non. Par contre, Ad Break, toi qui as trouvé, ça s'écrit pas comme ça, mais c'est ça. Enfin, le premier, oui, non, ça s'écrit pas du tout comme ça. Mais ça. Donne un indice sur le nom, genre. Mais ouais, allez, genre. Un synonyme, je sais pas, un truc comme ça. Merci. Voilà. Et dernière proposition, s'il vous plaît. Réfléchis, du non, Wolf. Non, mais je sais pas. Ne l'engueule pas, il a rien fait. Lui, au moins, il a trouvé quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec multivers, genre? Est-ce que c'est un truc proche? Pas du tout. Il est sorti en 2019. On est foutu. Ah non, c'était pas lui. Je vais vous le dire. C'est 2018. Vous allez dire, ah, mais oui, c'est vrai. Moi, je connais. Évidemment. Allez, je vous donne la réponse. New Generation. Oui, c'est ça, exactement. New Generation. Spider-Man, j'aime bien mon accent. Generation. Le pire, c'est que le premier truc que t'as failli dire, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça en plus. Voilà. Je t'ai entendu, t'allais dire New. Non, c'est pas ça. Et genre, t'as changé. Mais j'ai cherché le nom anglais du coup, mais c'était bien le nom anglais. Abusé, on aurait pu gagner. Toujours se fier à sa première impression. Et malgré le fait que vous ayez deviné d'entrée, vous n'avez pas gagné. Et ça, c'est beau. Si, parce que je l'ai dit. Non, puisque toi, ça ne compte pas. Si, tu avais déjà grillé ma proposition. Jingle, donc c'était la nouvelle. ActuWeb avec G-Wall, c'est tout de suite. What the fuck jusqu'au So cute. C'est l'ActuWeb dans Cult & Geek. Qu'est-ce qui s'est passé sur le web et qu'on aurait pu louper? Je crois que G-Wall, tu as nous parler d'une chose qu'on n'a pas pu louper. Oh, je vais parler de plusieurs choses, mais déjà je vais commencer par dire que je n'ai pas envie de parler de la naine de 22 ans qui se faisait passer pour une enfant de 6 ans. Non, il paraît qu'elle a 30 ans finalement. Ah, j'ai entendu à la radio tout à l'heure. Et bien, je n'ai pas non plus envie de parler du Z-Event parce que on l'a déjà fait. Alors, moi je veux aussi parler d'un truc qu'on ne va pas parler. C'est ma chronique. Non, Renata, calmez-vous. Ça arrivera plus tard. En plus, elle est longue, ma chronique, donc voilà. Alors, je ne vais pas parler de la mort de Chirac puisque ce n'est pas l'émission. Et d'ailleurs, qu'il était mort depuis longtemps. À choisir, j'aurais préféré parler de la catastrophe écologique à Rouen, mais Rémi va me lancer son regard assassin avec ses yeux pistolets. Du coup, je vais parler de Spider-Man. Quelle belle référence. L'info est tombée aujourd'hui. Un accord entre Sony et Marvel Studios a été signé. Spider-Man revient dans le MCU. Les fans de la licence et de Tom Holland ne cachent pas leur joie, évidemment. Yes. Mais on peut se demander à quoi est dû ce revirement de situation. Eh bien, cette annonce n'est pas du tout une surprise pour moi. J'imagine que Disney a simplement dit « Bon, écoute, petit, ramasse tes billes, va jouer ailleurs, sinon je te rachète. » Je pense que ce coup de pression a dû avoir raison un peu de Sony. Et de toute façon, quand on a une bourse aussi pleine que Disney, c'est normal qu'on soit un peu tendu. En même temps, quand on a les bourses pleines, en général, on veut les montrer. Évidemment. Ouais, bon, ça c'était un peu à double sens. Par contre, je sens que voilà, il y en a un qui était plutôt content. J'ai vu un petit pont en l'air comme ça. Ouais, le retour de Spider-Man dans le MCU, j'avais très peur qu'il quitte le MCU. Non, franchement, j'y croyais pas une seconde. J'étais sûr que Disney allait dire, bon, écoutez, là, vous me saoulez. Bon, écoute, gamin. Voilà. Alors, combien pour Spider-Man? La blague est déjà passée. Pas Spider-Man. Attendez, MCU, pour moi, c'est un composant électronique. C'est quoi, en vrai? Marvel Cinematic Universe. Ok, voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, l'info flash. La prochaine saison de BoJack Horseman, qui sera en deux parties, sera également la dernière de la série. Les fans sont très déçus. C'était la fin de l'info flash. Est-ce qu'au moins qu'elle sera bien? J'espère. Mais bon, les premières saisons sont pas mal, mais plus ça passe, moins j'ai aimé, du coup, je sais pas. Du coup, si vous en faites partie, comme tout le monde, des gens qui n'ont pas pu acheter leur place pour la finale des World League of Legends à Paris, parce que des bots chinois ont tout raflé, vous pourrez quand même vous consoler avec des skins Louis Vuitton. On sent la rage ou pas là? Résultant d'un partenariat entre Rio Game et LV. Alors, un grand coup de marketing pour Rio, qui sera sûrement le précurseur d'une guerre de marques de vêtements dans les jeux vidéo. Peut-être verra-t-on bientôt des skins Christian Dior sur Fortnite ou Gucci sur Overwatch. Dans tous les cas, terrible. J'espère que vous retiendrez que je l'avais annoncé. Je le veux, le skin Gucci sur Overwatch, je le veux. J'avoue, j'ai un peu bugué là, du coup. Un peu, ouais. J'étais mais c'est pas impossible, hein, les gars. C'est ça le pire. Maintenant, ça va être ça, genre les pubs, les nouvelles pubs, tu sais, les nouveaux trucs, c'est ça. Les skins dans les gros jeux. Je suis pas tombé dessus pour le What the Fuck. Ah ouais. Mais moi j'y crois dur comme fer que bientôt tu verras des Nike, des Adidas dans les skins et tout. Ça c'est évident, ça commence déjà. Il y a certains jeux où tu vois les marques à l'intérieur. C'est sérieux? Oui. Ou en China. Je crois que dans Watch Dogs on pouvait en voir plusieurs. Et c'est normal. Ah non, non, mais après non, ouais. Je parlais pas. Enfin, je parlais dans plutôt des Battle Royale, tu vois. Après, dans les autres, c'est vrai. Oui, il y en a déjà, tu vois. Genre Coca-Cola, des trucs temps, comme ça, ouais. Ça. Mais voilà, attends mais que Coca-Cola ils mettent un gros chèque pour Fortnite et tu verras que au moment où ils sautent du bus, il y aura un panneau Coca-Cola. En gros, sur la map. Ou alors, il y a une cinématique où ils sont en train de boire du Coca-Cola, comme d'habitude. Oui, c'est voilà, possible. En vrai, les marques vont... elles vont ça m'étonne, rentrer dans encore, les jeux vidéo, mais complètement. C'est pas encore ça. Arrivé, d'ailleurs. Adbreak, il a sorti le meilleur truc. Le skin Monsanto sur Fiddlestick. j'avoue. Allez, tu as le skin Glyphosate, tout de suite. Eh bien, je vais enchaîner. On reste dans les jeux vidéo avec Borderlands 3 qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Et cette information me permet de rebondir sur ce que j'entendais il y a quelques mois. Je compte pas acheter Borderlands parce qu'il sera sur l'Epic Game Store et vraiment Fortnite c'est de la merde. Je préfère donner mon argent à Gaben, à Steam plutôt qu'à Fortnite parce que Fortnite c'est nul. Bon, ça suffit cette mascarade. Il s'agirait de grandir. Alors c'est fou, oui. T'as que Borderlands à la bouche toi en ce écoute, moment. Écoute, c'est un bon jeu. Ah, c'est le jeu du moment. Exactement. Je sais, l'Epic Game Store, il est pas dingue, tu vois, il est claqué au sol, on peut le dire. Ah, totalement. Mais voyez les choses autrement. Sur chaque vente de jeu, Steam prend un bras, alors qu'Epic Game Store, l'Epic Game prend 12%. À la place de Gearbox, qui est le studio de Borderlands, je pense que tout le monde aura fait ce choix-là, y a pas photo. Normal. Surtout avec un vrai bon jeu. Exactement. D'autant que ça permet de faire des collabs comme pour les skins Mayhem sur Fortnite, parce que je préfère largement aux futurs skins de Christian Dior. Et puis c'est pas parce que vous devez passer par l'Epic Game Store que vous devez jouer à Fortnite. Et à ceux qui diront que ça les emmerde d'avoir leur jeu réparti sur plusieurs launchers parce qu'ils aimeraient tout avoir sur Steam. Moi, quand je vous imagine, je vois juste des gens qui essaient de lancer un jeu de Nintendo 3DS sur PS4. Voilà. Non mais le plus marrant c'est que c'est pas faux. Non, c'est pas faux, genre l'image. Le rêve va arriver quand tu auras Stadia. C'est vrai. Stadia, ça va même bousculer encore plus tout ouais, ça. Totalement. Mmh. Et ils auront qu'un seul launcher là. Mais je vois tout le monde en train de réfléchir. Mais là, justement, parce que je repense à la vidéo de Cyprien. Plus le temps passe et plus chaque studio aura sa plateforme, aura ses exclusivités dessus, donc on pourra pas y échapper si on veut. D'ailleurs, l'abonnement. Je vais recommencer. Allez, c'est bien ça. On a rien entendu. Les abonnements pour notamment les launchers des jeux vidéo, donc les Uplay, les abonnements Origin, les abonnements Epic Games, etc. etc. Je pense qu'on va en faire un sujet dans la polémique. Parce que ça aussi, ça commence à me gonfler. Ça pourrait être pas mal. Et je suis vénère. Bon, la semaine prochaine, on parle de... La semaine prochaine, on est vénère. Il y aura Yacine, il va être vénère. Oui, on va être vénère. Voilà. J'y vois le feu. Eh bien, l'ActuWeb est fini. Eh bien, merci beaucoup pour cet ActuWeb. Mais de rien. On a appris beaucoup de choses. Hein. On retient le skin Monsanto, on retient le skin Gucci sur Overwatch, que j'attends. Et avec Coca-Cola impatience. Bientôt. Et Coca-Cola et ouais. Sur Fortnite. Et ouais. Merci G-Wolf et puis on va faire une dernière pause en musique avec le titre de Netflix et le titre Grateful. Grateful, oui. Écoute, on se moque pas de mon accent anglais, ok. J'aime bien Netflix aussi. Je croyais que tu pouvais pas être pire, mais si, malheureusement, si, c'est possible. You speak English very well. Et juste après, on retrouve bien sûr l'instant nippon de Renata, le What the Fuck de la semaine de Maïlis et le dernier jeu de cette émission, le Top ou Flop. En attendant, Netflix avec le titre Grateful sur dans Cult & Geek. We always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Nefex avec le titre Grateful dans Cult & Geek. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Mais rassurez-vous, la suite est bien aussi. Le dernier jeu de cette émission, c'est simple. On oppose deux noms de youtubeurs, de séries, de films, de jeux vidéo, de comics, de mangas, etc. Et vous devez me répondre, d'après les notes de Sens Critique, lequel est le mieux noté, donc lequel est top, ou lequel est le moins bien noté, donc lequel est flop. Est-ce que vous êtes prêts? Vrai. Non, ça oh. C'est... Contre. Contre, d'accord. Ok, personne n'est... Allez, on commence tout de suite avec deux courts-métrages sur Internet. Mission 404 ou Les Dissociés, lequel est top? Tu peux écouter. Mission 404. Mission 404 ou Les Dissociés, deux courts-métrages sur Internet, lequel est top? J'aime bien le titre. Les Dissociés. Les Dissociés par le groupe Suricat ou les Mission 404 par Studio Bagel ou Golden Moustache? Aucune idée. Très bonne question. Ouais, un des deux. Golden Moustache. Non, alors Mission 404 ou Les Dissociés? Je sais pas, celui qui a fait Golden Moustache. Mission d'accord. 404. Parce qu'ils sont plus gros. Dissociés aussi, oui, mais c'est le groupe Suricat qui a fait Les Dissociés. C'est pour ça qu'on ne les met pas dans Golden Moustache. C'est Adbreak qui fait la précision sur le chat. Mission 404 ou Les Dissociés, lequel est top? Eh bien, Mission 404 est noté à 6,4. Bien noté. Les Dissociés, 6,8. C'est donc Les Dissociés qui est top. C'est ce que je disais. Hein. Il a perdu le dernier jeu, enfin le vrai ou faux. Donc là, ah, il... celui-là, je le gagne. Hein. C'est sûr. Lequel est flop entre ces deux chaînes YouTube qui parlent de cinéma? Nexus 6 ou Crost? Flop. Je connais pas. Lequel est flop? Ah, Nexus 6. Nexus 6. Comédie. Nexus 6 pour Renata également. Pour Maëlys également. Attends, c'est quoi les deux propositions? Nexus 6 ou Crost? Moi j'ai dit Crossed. Crossed. Ah bah oui, Nexus 6. Avec Karim Debbache. Tout à fait. Crossed. Ah, je connais pas, je suis son avis, hein, puisqu'il a réussi le premier. Donc tu dis Nexus 6 aussi. Au piège. Renata. Moi, pas de personnalité. Moi, Peter, j'ai dit Cross, du coup. Très bien. Alors regardons les notes. Cross est noté à 8,5. Wow. Nexus 6 ouais. À 7,6. Bravo. Karim Debbache, c'est le meilleur, vraiment. Ouais. Mais ça va, ils sont quand même très les bien. Les couleurs. Entre ces deux films, lequel est top? Kingsman 1 ou Kingsman 2? Kingsman 2. 1. Ah, il n'y a pas d'accord là. Maëlys et Eddie Wolf, le Kingsman 1 et Renata, Kingsman 2. On est d'accord que c'est top là? Oui. Ok, c'est, ça. C'est le 1. J'ai écrit une review dessus, c'était et trop sur bien. Sur le chat également, on nous dit Kingsman 2 en top. Ouais, t'as alors, perdu. Mais clairement. Kingsman 1 est noté à 7,1. Kingsman 2 est noté à 6,2. Non. Et voilà. Oui, la scène de l'église quand même dans le 1, elle est incroyable. Oh, il n'y a pas que ça non, qui est c'est incroyable. De la merde. Justement, j'ai pas aimé. J'ai pas vu le 2. J'ai pas aimé justement. Je trouve que les scènes comme ça dans le 2 sont bien mieux faites, tu vois. Genre. Le goût et les couleurs, on nous dit dans le chat, effectivement. De toute façon, c'est toujours les 1 qui sont les meilleurs. Oui. Très rare que ce soit le 2. Le 1 et le 3 en général. Voilà. Entre ces deux séries Amazon Prime Video, on attend le chèque du coup, laquelle est flop? Good Omens ou American Gods? Ah, c'est difficile là. American machin. Ouais. Bah, je vais dire Good Omens. Franchement, je vous dis, les notes sont très serrées. Très très serrées. Ah, j'en doute pas une seconde. Ça doit être cette quelque chose. Roulement de tambour. American Gods. Good Omens, c'est noté à 7,2. American Gods, 7,1. C'est donc American Gods qui est flop. Yes. Et enfin, on termine entre ces jeux de stratégie. Entre ces jeux de stratégie. Vas-y. Lequel est flop? StarCraft 2, Warcraft 3, Civilization 5, Total War Rome ou Age of Empire? Total War Rome. Total War Rome. T'as pas dit bien. Flop? Lequel est flop? Tu peux répéter parce que là, il y a StarCraft 2, Warcraft 3, Civilization 5, Total War Rome ou Age of Empire. On a quelle version de Civilization là? 6. On est à 6. Ouais. Bah, je vais dire Warcraft machin. Warcraft 3? Moi, je vais dire Civilization 5. Tu mérites le bûcher pour avoir dit ça. Civilization 5, allez. Civilization 5? Tu me dégoûtes. Il a levé le sourcil, c'est-à-dire que t'as faux. Je vous rappelle qu'on cherchait le flop, donc celui qui est le moins bien noté. Regardons tout de suite les notes. StarCraft 2 est noté à 7,8. Warcraft 3 est noté à 7,9. Il est donc éliminé, il n'est pas flop. Civilization 5 est noté à 7,7, il reste en course. Total War Rome, 7,8, il n'est donc plus en course. Lequel est flop donc entre Civilization 5 et Age of Empire? Eh bien, c'est Age of Empire avec 7,6. Exactement. C'est très serré, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucie. J'avoue que c'est de la merde, ouais. Age of Empire? Mais tu mérites le bûcher. Empire, tu trouves que c'est de la merde? Oui. On va t'envoyer à Rouen. On va t'envoyer à Rouen, vraiment. On va t'envoyer. Mais tu vas appeler cette émission comment? Rouen. Ouais, voilà. On va à Rouen. Je pense qu'on va faire du buzz. On va bad buzz, mais on va faire du buzz quand même. On va être très bad buzz. Voyage scolaire. Moi, je les soutiens. C'est ça, exactement. On va juste l'appeler Jeanne d'Arc, je pense que ce sera assez évocateur. Allez, l'instant nippon tout de suite avec toi, Renata. C'est l'instant Nippon dans Kulten Geek. Et juste avant de passer à ton instant, on a un message dans le chat de Hotbreak qui est toujours à fond avec nous. Merci d'être avec nous, d'ailleurs, de nous suivre sur le chat. Merci. Qui dit, dans Age of Empire, une des missions t'emmène à Rouen. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Je vous avais dit, hein, ça ne pète pas le feu. L'instant Nippon, Renata, c'est avec toi. Non mais, blague de merde, quoi, ça s'enchaîne. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'une légende. Donc voilà, comme monsieur les aime beaucoup, n'est-ce pas, G-Wolf? Donc voilà, je vais parler de Tanabata. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui, évidemment. Tanabata. Tu sais qu'on te voit. Là, on te voit. Genre maintenant, on a des caméras, on te voit faire un nom de la tête. Oui. Donc alors non, on ne le voyait pas. Il était de dos. Super. Dommage. Là, il est de face, par contre. C'est bien. Merci Rémi. Bataga, c'est ça. Tanabata. Tanabata. Ouais. C'est un prénom féminin. C'est une insulte. Pas du tout. Donc c'est une fête donc, qui aura lieu le mardi 7 juillet 2020. Donc voilà, parce que c'est déjà passé cette année. Donc je donne la date de l'année prochaine. Ah, sur le chat, ils connaissaient. Mais voilà, parce que ce sont des gens bien cultivés. Contrairement aux gens de QTNB qui n'aiment pas le Japon. Parce qu'on peut se culturer. Oui, on valide. C'est une Allez. Façon de parler. On donc continue. Voilà. Donc pour c'est en fait ça veut dire la 7e nuit entre parenthèses du 7e mois. Donc c'est toujours à peu près donc c'est soit le 7 juillet soit le 7 août. Et donc c'est une fête, la fête japonaise des étoiles. Donc qui célèbre en fait la rencontre de Orihime et de Hiko Boshi, donc moi j'arrive pas à retenir son nom, donc voilà. Et en fait, ça a un rapport avec les étoiles parce qu'on va dire la Voie lactée, donc qui est la rivière des étoiles, celle qui sépare le ciel, en fait, elle sépare aussi les deux amants et les empêche d'être ensemble. Voilà. Oh, c'est mignon. Voilà, donc il leur est permis de se voir qu'une fois par an, donc pendant la Tanabata. Donc voilà, donc la légende en fait, donc a énormément de versions. À la base, c'est donc deux étoiles, Vega et Altaïr. Donc voilà, ils sont pas véganes. Non, non. Et Altaïr qui est un assassin, hein, tout le monde le sait. Donc voilà, donc voilà, à la base c'est deux étoiles, mais la légende on va dire commune, c'est narre l'histoire de l'amour d'une déesse pour un mortel. La déesse pour être à ses côtés quitte le monde céleste et va l'épouser, devient mère de deux enfants, etc., etc. Par contre, un des parents de la déesse la retrouve, la traque, etc. Et la retrouve et l'emmène de force dans le monde des dieux. Et pour que l'homme mortel qui est déterminé à retrouver sa femme forcément n'aille pas dans le royaume des dieux, le parent, enfin on sait pas trop si c'est la mère ou le père, sépare les deux mondes par une rivière qui est donc la Voie lactée pour enfin qui est enfin infranchissable d'ailleurs, pour les empêcher de se voir. C'est beau, voilà. C'est mignon. Ouais. Et devant les pleurs de la déesse, du mortel et des deux enfants, il se laisse quand même amadouer, voilà. Donc il leur permet de se voir une fois par an. Voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi t'as dit soit le 7 juillet, soit le 7 août. Parce que en fait ça change selon les années apparemment, parce que c'est en fonction du calendrier lunaire, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Donc voilà. Okay. Pourquoi parce pas. Parce que en c'est... fonction de, du calendrier lunaire, ça change. Voilà. C'est une autre façon de voir le truc, pourquoi pas. Moi je connais Maya. Cola, Maya, oui. Bah, Maya l'abeille. Eh ben écoute, merci beaucoup Renata pour voilà. cette magnifique légende. Et voilà, ouais. c'est dans une émission de brutes et de blagues douteuses, un peu de douceur. Ça fait, ah, ça finit quand même par Rouen. Oui, ça finit toujours par Rouen. Voilà. Allez, merci Renata et on passe sans perdre de temps au What the Fuck de la semaine. C'est avec toi, Maïlys. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck ? Et le what the fuck de la semaine, c'est avec toi, Maïlys, comme je viens de le dire. Non. Ah si, je me répète. Sans blague. C'est pas ça toujours elle qui fait ça toutes les semaines ? Toujours. Non, pas la première et la deuxième saison. Bon, mais ça, alors, ça c'est... J'ai deux petits what the fuck, parce qu'ils sont tous les deux comiques. J'ai le premier où c'est des paires de bottes qui sont sorties. Quoi ? Alors... Bah attends, laisse-moi terminer ma phrase. Non mais déjà j'ai tiqué, elles sont sorties toutes seules ou elles sont sorties... Continue, ignore-le. Il y a une marque de vêtements qui s'appelle Vêtements, je crois d'ailleurs. C'est pas une blague. A sorti des bottes. Oui, c'est ça, elle s'appelle Vêtements. Elle a sorti des bottes où... Disons qu'elles sont faites pour les soirées parce que tu as un décapsuleur intégré au talon à l'arrière. Mais rien ne va dans cette histoire. Rien ne va. Rien ne va. On va commencer par le nom de la marque, on est d'accord. Rien ne va. Je t'ai même pas parlé du prix encore. Ah ouais, vas-y. 1190€. Quoi ? Ah, c'est pas français, je précise. Pour des bottes décapsuleurs, dites-nous vraiment dans le chat, est-ce que vous seriez prêt à payer ce prix-là pour des bottes décapsuleurs ? Alors, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont pas ce genre d'argent, les pauvres. Mais en plus, ma question c'est, il y a peut-être un milliardaire. Si ça se trouve, c'est le PDG de Coca-Cola qui nous écoute. Ah, je sais pas. Bah, le PDG de Coca-Cola, il va pas mettre des bottes avec des talons. Ah, pourquoi pas ? Imagine les mecs qui ont créé les boîtes. Mais les ça se trouve, il est travesti. Ils vont voir le banquier pour parler du projet. C'est vrai que pour parler du projet, notre entreprise s'appelle Vêtements. Et on va sortir des bottes décapsulaires. C'est ça. C'est je pense que la banque, elle n'a pas dû leur prêter l'argent. Ou alors le banquier était aussi malade, il a dit OK, banco, c'est parti. On y va. Et notre what the fuck. Mon deuxième what the fuck, je l'ai vu sur Facebook dans la semaine, je t'y ai notifié dessus, Rémi. Oui. Et puis je me suis dit hier soir, parce que je l'ai préparé hier soir, faut quand même que j'en parle. Ah, c'est russe. Ah oui, voilà. Des prêtres. Ouais, je déjà, sais ça plus part mal, quoi hein. précisément. Uh-huh. C'est pas catholique, c'est l'autre, l'orthodoxe. Ouais. Qui ont décidé de lancer. Pardon. Ils sont partis en hélicoptère avec 70 litres d'eau. Et ils ont lancé de l'eau bénite sur les gens dans le pays. Pour vaincre l'alcoolisme. Voilà. Est-ce Russie, que vous avez compris ce que j'ai dit ? Comment vaincre l'alcoolisme ? Balancer de l'eau bénite depuis un hélico. Je suis encore un peu circonspect. Et non, circoncis. C'est pas la même chose. J'imagine la scène en fait. Alors j'ai les pas gars, envie de critiquer, ils sont là. Tu vois, mais. Non. C'est cher de faire un voyage en hélicoptère, les gars. Et en plus, 70 litres d'eau bénite, c'est pas donné non plus. Bah, qu'est-ce qui vous a pris, genre Non, il a béni, c'est en haut, là, comme ça. Ils sont dans l'hélico, ils sont. Non, mais voilà, mais. Ne soyez pas. Ça prend du temps de bénir autant de litres d'eau. Sauf que ça fait partie de la culture du pays maintenant, genre. Allez, il faut ouais, passer. Moi, j'aurais même balancé de la vodka directement de l'hélico. J'aurais trouvé ça plus logique. Non mais, c'est non, mais l'alcoolisme, tu t'es raté. Je connaissais la prévention, mais pas ça. Hein. Ben voilà, écoute. C'est un peu extrême. Maintenant, si tu reçois de l'eau, ça peut être peut-être un prêtre en hélico. Ou de la vie. Vérifie ce qui passe au-dessus. Il faut aller en Russie déjà. Il faut aller en Russie déjà. Oui, ça arrive. On ne sait jamais, ils peuvent venir en France. Ouais, peut-être. On ne sait pas. Parce qu'une fois qu'ils sont dans les airs, qui les arrêtera ? Qui les arrêtera ? Et ça partait d'une bonne intention, c'est parce qu'il y a eu des milliers de morts déjà depuis le début d'année pour l'alcoolisme. Ah ouais, non, à cause de l'alcoolisme. Ouais, voilà, c'est plus logique. Je pense qu'ils étaient déjà bourrés au moment où ils ont eu l'idée, en fait. Ouais. C'est pour ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Maïlys. Voilà, toutes ces infos, ce sera retrouvé, bien sûr, en podcast sur tous les sites où on est diffusé, donc sur nos diffuseurs, que je rappelle à l'instant, Radio No Life, Bad Geek, La Vigie Radio, Spotify, iTunes, Podcloud et Bad Geek et Play Geek. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, le samedi à 11h30 pour une émission en direct, toujours sur Twitch, jusqu'à midi et demi, voire plus. Hein, plus on arrive à se lever. si on arrive à se lever effectivement. Ça devrait en aller, attendant, hein. On vous souhaite une bonne semaine et vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Tipeee ou Discord. Wow. Le mot de passe à retenir, c'est Kultengeek tout simplement. Tu as dit Twitter aussi ? J'ai cru qu'il donnait un vrai mot de passe. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le mot qui vous permet de trouver toutes ces informations et cette bonne humeur, c'est Kultengeek. Bisous. Voilà, le mot magique. Allez, passez une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve samedi prochain. Bye. Wow.